Bonsoir, chers amis auditeurs de la UDO. C'est encore un plaisir pour moi d'être avec vous à nouveau sur les ondes de la radio universitaire de Mochis pour vous présenter, comme chaque dimanche soir, à cette même heure et sur la même longueur d'onde, la 820 AM, notre programme de chansonnettes françaises avec le train de la musique. Ce soir, nous voulons vous offrir un programme différent, car c'est mon objectif de faire en sorte que chacun d'eux sorte de l'ordinaire. Mais avant de commencer, je tiendrai ma promesse faite à une de mes élèves qui fêtait hier son anniversaire de naissance. Je veux parler de Mademoiselle Italia Morales Martinez. Oui, elle a fêté ses 18 ans. Et vous savez, la jeunesse, 18 ans, c'est un âge très spécial. Vous souvenez-vous de vos 18 ans? Ah, c'est l'âge de l'émancipation. On se sent maintenant majeur. On croit pouvoir tout faire à 18 ans. Moi, j'ai oublié, car ça fait belle lurette que j'ai laissé derrière moi mes 18 ans. Et j'ajouterai même tant d'eau à couler sous ce pont, le pont de la vie. Mais ce soir, je ne manquerai pas de crier sur un temps plus fort pour Italia. Italia, bon anniversaire, et que tous tes désirs se réalisent à la lettre, et que la joie t'accompagne toute la vie. Ce sont les souhaits que te formule ton prophète. Encore une fois, je te souhaite les meilleurs, d'accord? À samedi pour le gâteau de chocolat. Tu n'oublieras pas, n'est-ce pas? Je l'espère. Et maintenant, pour amorcer le départ de notre train de la musique, nous avons choisi, parmi nos invités, une qui nous est très chère et que vous connaissez tous. Elle s'appelle Nana Mouskouri et qui nous fera l'honneur de nous ouvrir le chemin en nous interprétant sa chanson « L'amour en héritage ». J'ai reçu l'amour en héritage un matin au pays des cigales. La folie et le génie bien au-delà du temps, bien par-dessus les océans. J'en ai lu, j'en ai tourné des pages pendant mes années folles ou sages. Pour quelqu'un qu'on ne met pas en cage, c'est un beau cadeau, l'amour en héritage. Et si ma vie se traduit en je t'aime, si mes chemins ont croisé des torrents, on est toujours un oiseau de bohème, une enfant du printemps. J'ai reçu l'amour en héritage un matin au pays des cigales. J'en ai lu, j'en ai écrit.

sous la pluie. Je ne sais pas si elle a été grisée par les flots, le vent, la brise de la mer ou par la description de M. Brel. Mais elle a vu tout d'un coup la vie d'une autre couleur. C'est pour cette raison que Dalida, elle, nous offre ce soir sa version de comment elle, elle voit la vie. Écoutons-la. La vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, là j'irai pour la vie. Je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. de tous les jours. Et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Et maintenant, c'est au tour de notre chère Nana, encore une fois, qui veut s'en aller, mais non pas sans dire adieu à Angéline. Qui est-ce? Qui c'est Angéline? Vous la connaissez? Moi pas. De toute façon, on va lui donner la chance de le faire avec son interprétation. Adieu, Angéline. Adieu, Angéline, les cloches de la couronne ont été volés à l'aube, je les entends qui sonnent. Et je me dépêche, je dois les rattraper. Adieu, Angéline, le ciel est en feu et je m'en vais. Ce n'est pas la peine d'en faire une affaire. Ce n'est pas la peine d'ameuter toute la terre. C'est une table vide sur le bord de la mer. Adieu, Angéline, le ciel a tremblé. Je dois m'en aller. Les rois et les reines quittent la basse-cour. De sang bohémiennes sont entrées à la cour. Dans la salle du tout va, rien ne va plus pour moi. Adieu, Angéline, le ciel s'écroule, je te verrai plus tard. Regarde ces pirates dans la voie lactée. Tire sur des boîtes avec un canoncier. Les voisins applaudissent, poussent des cris de joie. Adieu, Angéline, le ciel se décolore, je dois me sauver. King Kong et les elfes vont danser sur les toits. De longs tangos typiques, tandis que de leurs doigts, des maquilleurs s'escriment à fermer les yeux de la mort. Adieu, Angéline, le ciel est trop sombre, je dois m'échapper. Les mitrailleuses crépitent, les poupées mobilisent. Des bombes plastiques éclatent dans les églises.